te djebe ou Asoué pi fè mwen pepe Mwen ka avwe ou se an poupe Ki merite desartikule An peke pe touche ou Asoué pi fè mwen lè te rete an kote Mwen pa lè manche ou respe Bebe rete an kote Familial, on peut prendre un solo. Assoué, puis frère, pépé. Au pé gâteau, coupé au coco. Moulé en cœur et même sans grumeau. On peut qu'elle peut manger. Assoué, puis frère, l'été, resté à côté. Mais pas les manches au respect.